الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Toujours dans traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait vu deux hadiths, le hadith de Aïcha رضي الله عنها et le hadith d'Abu Qatada رضي الله عنه. Quant au hadith de Aïcha, qui nous le récite? Fadal Shahim. Aïcha رضي الله عنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي ورجلاي يفتي قبلتي ورجلاي ورجلاي في يفتي قبلته قبلته. فإذا سجد فإذا سجد غمزني فإذا سجد غمزني فإذا سجد غمزني قبضت رجلي نعم قبضت رجلي قبضت رجلي وإذا قام وإذا قام بسطهما بسطهما بسطهما والبيوت والبيوت ليس فيها مصابيح. حسنت. رواه البخاري ومسلم. حديث أبو قتادة رضي الله عنه. كيل غسيت؟ إلي فاسيل سلوسي. تفضل. رواه أحسنت بارك الله فيك. طيب يقول الشيخ حفظه الله رحمه الله باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحديث 180 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه البخاري ومسلم. Le chapitre de l'interdiction de parler pendant la prière. Le hadith 108. Selon Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, il dit: nous parlions pendant la prière. Un homme parmi nous parlait à son compagnon qui était à côté de lui pendant la prière jusqu'à ce que soit révélé وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ et levez-vous pour Allah en toute humilité. Il nous a alors été ordonné de nous taire et il nous a été interdit de parler. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث قانتين للقنوت عدة معاني منها الطاعة والخشوع والدعاء وطول القيام والسكوت وهو المراد هنا فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الكلام في الصلاة وأمرهم عفوا بالسكوت. واللام في قوله عن الكلام للعهد إذ يقصد بها الكلام الذي كانوا يتحدثون به. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Qanitin. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa qumu lillahi qanitin. Dans le verset 238 de Surat Al-Baqarah. Surat la vache. Al-Qanitin a plusieurs sens. Parmi ces sens, l'obéissance. Parmi ces sens également, Al-Khushu', l'humilité. L'invocation de se lever longuement, mais aussi de se taire. Tout ceci sont des sens donnés au terme qunut. Et le sens voulu dans ce verset est le fait de se taire. Et c'est ce qu'ont compris les compagnons radiallahu anhum de ce verset, à savoir l'interdiction de parler pendant la prière et l'ordre de se taire. Et dans la parole de Zayd ibn Arqam, il nous est interdit de parler, c'est-à-dire pendant la prière, de parler, c'est-à-dire la parole qu'ils avaient l'habitude de dire. Autrement dit, une parole qui n'a pas de relation avec la prière ni pour le bien de celle-ci. المعنى الإجمالي ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون في الصلاة بقدر حاجتهم إلى الكلام فقد كان أحدهم يكلم صاحبه بجانبه في حاجته وكان على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقين ولما كان في الصلاة ولما كان في الصلاة شغل بمناجاة الله عن الكلام مع المخلوقين أمرهم الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الكلام فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فعرف الصحابة منها نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا رضي الله عنهم. Le sens général du hadith. Zayd ibn Arqam رضي الله عنه rapporte et cite que les musulmans au début de l'islam parlaient pendant la prière. Ils parlaient selon leurs besoins. Et une personne parlait à son compagnon qui était à ses côtés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait cela, mais et il ne le réprimandait pas. Et parce que dans la prière, la personne est occupée à parler à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle donc pas aux créatures. Pour cela, Allah Azza wa Jal a ordonné de préserver la prière. Et leur a ordonné de se taire. Et leur a interdit de parler et a révélé sa parole subhanahu wa ta'ala et préserver les prières et la prière médiane. Et levez-vous pour Allah en toute humilité. Les compagnons ont compris de ce verset l'interdiction de parler pendant la prière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, radiyallahu anhum? Ils l'ont mis en pratique. Radiyallahu anhum. Ikhtilaf al-ulama. La divergence des savants. Ajma' al-ulama ala butlani salati man takallama fiha amidan li ghayri maslahatiha. Aliman bit-tahrim. Wa ikhtalafu fis-sahi wal-jahili wal-mukrah wal-na'im. والنائم والمحذر للضرير والمتكلم لمصلحتها. Tout d'abord, les savants sont unanimes sur l'annulation de la prière de celui qui parle pendant celle-ci volontairement, une parole qui n'apporte aucun bien à la prière, tout en sachant son interdiction. Celui donc qui parle de façon volontaire sort de cela, celui qui parle de façon involontaire. Une parole qui ne fait pas partie du bien de la prière, elle ne fait pas partie intégrante de la prière, ni cette parole n'a été dite dans le but de préserver cette prière, tout en sachant son interdiction. Lorsque ces trois conditions sont réunies, alors la prière est nulle à l'unanimité des savants. Ils ont divergé sur celui qui était distrait, ainsi que l'ignorant, ainsi que celui qui est forcé, ainsi que celui qui dort, celui qui met en garde, celui qui met en garde un non-voyant. Tu es en train de prier et un aveugle passe devant toi et il risque de trébucher. Et tu lui dis attention, fais attention à cette pierre. Est-ce que cela se dit pendant la prière? Est-ce que cette parole est pour le bien de la prière? Non. Mais c'est pour qui? Pour le bien de l'aveugle afin qu'il ne tombe pas. Et également toute personne qui dit une parole qui n'a pas pour but de préserver la prière. Les savants ont divergé à ce sujet. فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا عملا بهذا الحديث الذي معنا وحديث كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال إن في الصلاة لشغلا متفق عليه وغيرهما من الأدلة. الحنابلة sont de l'avis que la prière s'annule dans tous les cas précédemment cités. Ils ont pour preuve le hadith que l'on explique actuellement, où il a été interdit aux compagnons de parler. Fanuhina anil kalam. Et ils ont pour preuve également le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel les compagnons radiallahu anhum ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous te saluons auparavant, l'on te saluait pendant la prière et tu nous répondais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans la prière une préoccupation. Dans d'autres versions du hadith, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière et le prophète alayhi salatu wa sallam leur répondait au salut et leur disait wa alaykum salam wa rahmatullah pendant la prière. Et dans d'autres versions du hadith, et lorsque les compagnons sont revenus de chez An-Najashi, lorsqu'ils sont revenus de l'Abyssinie, ils saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais ils ne leur répondaient pas. Et le prophète Sam a dit, pour expliquer cela, car il y a dans la prière une préoccupation. Autrement dit, je parle à Allah subhanahu wa ta'ala en lisant le Coran, en faisant des invocations, en faisant le rappel. Ainsi, celui qui prie est entièrement occupé à parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il ne parle pas aux créatures. Est-ce que cela nie le fait de répondre au salam par al-ishara, par les signes? Il y a deux façons de répondre au salam. Il y a la première qui est par la main, en faisant un signe de la main, la paume vers le ciel et l'intérieur de la main vers le sol, ou bien un signe de la tête. Tout cela est rapporté après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et ce hadith ne vient pas contredire l'autre. Il y a dans ce hadith que le prophète sallam ne leur répondait plus au salam en leur disant alaykum salam, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne leur répondait pas avec les signes, car cela a été cité dans d'autres hadiths. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, cite cela dans son livre, dans son explication de Sahih al-Bukhari. Il est possible, comme disait le savant, que les compagnons, lorsqu'ils ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait fait un signe avec sa main. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة أو ظنا أن صلاته تمت فسلم وتكلم سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها سواء كان المتكلم إماما أو مأموما في الصلاة فإن الصلاة صحيحة تامة يبني آخرها على أولها وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي من عدم قطع الصلاة بكلام الجاهل والساهي والمحذر والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامها ذهب إليه أيضا الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Et l'imam Malik et Shafi'i sont de l'avis que la prière est valide pour celui qui parle par ignorance, ou bien en oubliant qu'il était en prière, ou bien en pensant que sa prière était terminée, il a alors est salué puis a parlé, que sa parole soit en rapport avec la prière ou qu'elle n'ait aucun rapport avec la prière, que sa parole, que celui qui parle soit un imam ou qu'il prie derrière, sa prière est valide, elle est complète et il peut baser et relier le début de cette prière à la fin de celle-ci. Et on avait vu que lorsque l'on peut relier le début d'une prière à la fin de celle-ci, cela prouve qu'elle est valide. Et l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Malik Shafi'i sur le fait que la prière n'est pas annulée lorsque la personne qui parle est ignorante ou distraite ou met en garde, ainsi que celui qui parle dans le bien de la prière, pour le bien de la prière, après le salam, avant l'avoir terminé, c'est également une des versions de l'imam Ahmed rahimahullah. Et c'est l'avis choisi par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ قَوِيَّةٌ وَاضِحَةٌ. Et les preuves de cela sont fortes et claires. مِنْهَا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ وَكَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِي الْيَدَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَسَرْعَانِ النَّاسِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ يُرَدِّدُونَ بَيْنَهُمْ قُصِرَةِ الصَّلَاةِ. وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكلاه ما شأنكم تنظرون فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم فما رأيتهم يصمتوني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فلم يأمره بالإعادة وحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة الصحيحة وحديث الباب ونحوه محمول على العامد العالم بالتحريم. Et les preuves, comme le dit Cheikh al-Bassam, rahimahullah, sont fortes et claires. Parmi ces preuves, le hadith de Dhul Yadayn et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait parlé, ainsi que Dhul Yadayn, ainsi qu'Abu Bakr, ainsi que Omar, ainsi que les gens qui sont sortis précipitamment de la mosquée, en répétant et en disant entre eux, la prière a été raccourcie. Et ce hadith, on l'a vu. Ils ont parlé alors qu'ils étaient considérés comme étant en prière. Et est-ce que ils ont recommencé leur prière du début? Non, ils l'ont complétée. Ainsi, ils se sont basés sur le début de la prière pour terminer la fin de celle-ci, ce qui prouve que leur prière est valide et complète. Et également, parmi les preuves, le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih est le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu, qui dit: alors que je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme a éternué. J'ai dit, yarhamuk Allah. Et les gens m'ont alors jeté des regards. Faqultu wa thukla. Et dans une autre version, wa thukla ummaya. Yani, que ma mère soit que ma mère, c'est une femme qui a perdu son enfant. Que ma mère perde son enfant. C'est une expression qui était utilisée par les Arabes pour montrer un étonnement et pour répondre. Wa thukla, ma sha'nukum tanzurun, qu'avez-vous à me regarder? Alors qu'il était en prière, radiallahu anhu. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم. Alors ils se sont mis à taper leurs cuisses avec leurs mains pendant la prière pour le faire taire. فمرأيتهم يصمتوني لكني سكت. J'ai vu qu'ils voulaient me faire taire, alors je me suis tu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prière. Dans une autre version, فَوَاللَّهِ مَا قَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي. Par Allah, il ne m'a pas crié dessus, ni ne m'a insulté. Mais il a dit, cette prière, dans cette prière, il لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ. Il n'est pas bon, pendant cette prière, de dire des paroles parmi ce que disent les gens. Et dans une autre version, وَإِنَّمَا هُوَ تَحْمِيدٌ وَتَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ. Mais dans cette prière, il n'y a que des tasbihs, des tahmid et des takbir. On ne dit pas des paroles que les gens disent, comme « qu'avez-vous à me regarder ?» etc. etc. فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de recommencer sa prière. Et également, le hadith rapporté par Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il a été pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'ils sont forcés de faire et ce que l'on leur a forcé de faire. » Al-Mukrah, c'est celui qui fait une chose contre eux, son gré sous la menace d'une arme ou autre. Et plein d'autres preuves authentiques et claires. Et le hadith que l'on étudie actuellement, eh bien, comment est-ce qu'on le comprend? C'est-à-dire qu'il est interdit de parler, mais de quelle parole l'on parle? De celui qui parle en connaissance de cause, de façon volontaire et en connaissant l'interdiction de parler. واختلف العلماء في النفخ والنحنحة والتأوه والأنين والانتحاب ونحو ذلك فذهب بعضهم وهو المشهور بمذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان فإن لم ينتظم منه حرفان أو كان الانتحاب من خشية الله أو التنحنح لحاجة فذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة واختار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بهذه الأشياء ولو بان منها حرفان لأنها ليست من جنس الكلام فلا يمكن قياسها على الكلام وحكي عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد مستدلين بحديث علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله مدخلان بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح رواه أحمد وابن ماجه وقد نفخ صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة. Et les savants ont divergé sur le jugement de souffler, tousser, soupirer, gémir ou pleurer longuement en faisant du bruit. Certains sont de l'avis, et c'est ce qui est connu du madhab de l'Hanabila et de Shafi'iyya, que cela annule la prière lorsque cela est composé d'au moins deux lettres. S'il n'est pas composé de deux lettres, ou si le pleur vient de la crainte d'Allah, ou la toux vient par besoin, alors Al-Hanabila sont de l'avis que cela n'annule pas la prière. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah est de l'avis que rien de ceci n'annule la prière, même si il y a deux lettres qui en sortent. Qu'est-ce qu'il veut dire par deux lettres? Dans le fait de souffler, de tousser, soupirer, etc. Lorsque tu fais ces choses et que tu ne sors pas deux lettres en les faisant, et que ces sons ne soient pas composés de deux lettres. Alors certains disent que cela n'annule pas, si c'est deux lettres au minimum, alors cela annule. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah dit que aucune de ces choses n'annule la prière, même si le son serait composé de deux lettres, car ce n'est pas une parole. Cela n'entre pas dans la catégorie de la parole. On ne peut donc pas faire une analogie entre ces sons et la parole. وَحُكِيَ عَدَمُ الْبُطْلَانِ. Et également, il y a deux versions de l'imam Malik et Ahmed qui stipulent que ces choses n'annulent pas la prière. Et ils ont pour preuve le hadith de Ali radiallahu anhu qui dit que j'avais deux moments où je rentrais dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jour et de nuit. Et lorsque je rentrais et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il toussait. Hadith rapporté par An-Nasa'i ibn Majah, et c'est un hadith qu'a rendu faible Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Da'if Al-Jami', dans Da'if ibn Majah et Da'if An-Nasa'i. Ils ont pour preuve également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soufflé pendant la prière de l'Kusuf, pendant la prière de l'éclipse. Et ils ont pour preuve également que la parole de Muhanna qui a dit « J'ai vu Abu Abdillah ». Qui est Abu Abdillah? Naam? Naam. Abu Abdillah yatanahnahu fi s-salah. J'ai vu Abu Abdillah ici, en parlant de l'imam Ahmed, tousser pendant la prière. وهذه الأشياء ليست كلاما ولا تنافي الصلاة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل يد وفم وغير ذلك، وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي وما هو بسبيلها، وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع، وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي. Et ces choses ne font pas partie des paroles, en parlant de souffler, tousser, soupir, etc. Et que cela n'annule pas la prière. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah a dit que ce sujet se divise en trois. Il y a des paroles qui ont un sens en elles-mêmes et qui sont composées de deux lettres, comme yed. Yed, ça signifie la main. C'est composé de deux lettres qui sont ya et dal. Pareil pour fem, la bouche, qui est composée de deux lettres, fa et mim. Il y a d'autres paroles qui ont un sens non pas en elles-mêmes, mais lorsqu'elles sont associées à un autre mot, comme de, an, ou min, depuis, ou fi, dans, et tous les mots qui sont similaires. Ces deux sortes de paroles ont une signification dans la langue arabe. Ainsi, les savants sont unanimes que ces deux sortes de paroles annulent la prière lorsqu'elles sont prononcées sans excuse juridique. Si tu dis « yed » pendant la prière, de façon volontaire, en connaissant l'interdiction de parler pendant la prière. De dire yed, c'est un sens ou pas? Main. Une main, c'est un sens. Une main, c'est un sens. Est-ce que cela fait partie de ce que l'on doit dire dans la prière? Est-ce que tu as dit cela dans le but de préserver ta prière? Alors cela annule ta prière. Parce que ça a un sens. Que cela ait un sens en soi, ou que cela a un sens comme les pronoms dans, depuis, etc. Eh bien, dans ces deux cas, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah dit que cela annule la prière lorsqu'il n'y a pas d'excuse juridique, lorsqu'il n'y a pas d'excuse valable pour les avoir cités. أما القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين والأظهر أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et la deuxième catégorie qui est le fait de parler dans une chose qui a un sens dans la nature, comme le fait de soupirer, de pleurer, de gémir. Tout cela, tous ces sons ont une signification dans la nature. Celui qui soupire, c'est parce que il est fatigué ou il est désespéré ou on lui a appris une mauvaise nouvelle, etc. Et cela n'annule pas la prière, car ce n'est pas une parole, ce n'est pas considéré comme une parole dans la langue avec laquelle nous a parlé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa amma al-qism al-thalith wa huwa an-nahnahah. Faqad warada min hadith Ali qala kuntu idha dakhaltu alayhi wa huwa yusalli tanahnaha li wa nuqila 'an al-imam Ahmad riwayatan fihi ihdahuma al-ibtal wa ikhtiyaru shaykh al-islam wa ikhtiyaru shaykh Taqiyuddin 'adam al-ibtal bihal. Et la troisième partie est le fait de tousser. Il y a dans le hadith de Ali, je rentrais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'il priait, il toussait. Il toussait pour moi, pour que je sache qu'il est en prière. Et il a rapporté, d'après l'imam Ahmed, deux versions. Une qui dit que le fait de tousser annule la prière, et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah a choisi la vie que cela n'annule en aucun cas la prière. قال الشيخ الإسلام في الاختيارات والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله a dit dans son livre l'Ikhtiyarat, les choix, et ce qui apparaît est que la prière s'annule par le rire lorsque il est accompagné de sons forts, car cela contredit l'humilité et la concentration qui est obligatoire pendant la prière. Et il y a dans cela un rabaissement et un amusement qui vient contredire le but de la prière. Ainsi, elle s'annule à cause de cela, non pas parce que c'est une parole. Ainsi, le rire, pourquoi est-ce qu'il annule la prière? Parce qu'il contredit ce qui est demandé au prieur, à savoir d'être concentré, d'être sérieux, etc., etc. Et le fait de rire vient contredire tout cela, pour cela qu'il annule la prière, et non pas en considérant le rire comme une parole. Et Ibn al-Mundhir, rahimahullah, a dit, et ils sont unanimes sur le fait que le rire annule la prière. Qala Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala, باب الإبراد من الظهر. باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. الحديث التاسع بعد المئة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم. Le chapitre, d'attendre que le temps se rafraîchisse de la forte chaleur pour l'heure de Dhuhr. Le 109e hadith, selon Abdullah ibn Umar et Abu Huraira radiyallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la chaleur est forte, alors attendez le rafraîchissement pour prier. car la forte chaleur provient des émanations de l'enfer. Car la forte chaleur provient des émanations de l'enfer. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث أبردوا يقال أبرد أبرد إذا دخل في وقت البرد كأنجد لمن دخل نجدا وأتهم لمن دخل تهامة. نعم لا يقال ما يؤخذ من الحديث أيوة صحيح بارك الله فيك. نعم. Avant de continuer le 109e hadith, on a oublié de lire ce qu'on retient du hadith 108, le hadith de Zayd ibn Arqam. ما يؤخذ من الحديث أولا كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه. Premièrement, ce que l'on retient du hadith de Zayd ibn Arqam est que la parole pendant la prière au début de l'islam était autorisé selon le besoin. ثانيا تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين يعلم أنه في الصلاة وأن الكلام فيها محرم. Deuxièmement, l'interdiction de parler pendant la prière après la révélation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, selon le sens, élevez-vous pour Allah avec humilité. L'on sait que cela concerne la prière et que la parole y est interdite. Thalithan, inna al-kalam ma'a hurmatihi mufsidun lis-salah, لأن النهي يقتضي الفساد. Troisièmement, la parole pendant la prière, avec son caractère interdit, annule également la prière, car l'interdiction sous-entend et implique l'annulation. رابعاً, إن القنوت المذكور في هذه الآية مراد به السكوت. كما فهمه الصحابة وعامل بمقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Quatrièmement, le terme qunut qui a été cité dans ce verset signifie le fait de se taire, comme l'ont compris les compagnons et l'ont mis en pratique pendant le vécu du prophète صلى الله عليه وسلم, pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si cette mise en pratique était fausse, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait manqué de les reprendre? Non. Khamisan, in al-ma'na alladhi harrama min ajlihi al-kalam, alladhi hurrima min ajlihi al-kalam, huwa talabu al-iqbal 'ala Allah fi hadhihi al-ibadah wa at-taladdud bi munajatihi, falyahris على هذا المعنى السامي فليحرص على هذا المعنى السامي. La raison pour laquelle la parole est interdite pendant la prière est la demande du serviteur au serviteur de se dédier uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et de savourer le fait de s'adresser à lui subhanahu wa ta'ala. Sadisan, sarahatun nasr fi mithli hadha al-hadith alladhi jama'a bayna an-nasikh wal-mansukh. Sixièmement, le fait de clairement faire citer une abrogation comme dans ce hadith, ou dans le même hadith, il y a à la fois l'abrogé et l'abrogeant. L'abrogé qui est ce que faisaient auparavant les compagnons lorsqu'ils parlaient pendant la prière. C'est une chose qu'ils faisaient, qui a été abrogée par quoi ? Par le verset où Allah Azza wa Jalla dit « وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ » طيب, on retourne au hadith 109, le hadith de Abdullah ibn Umar et Abu Huraira radiallahu anhum. Concernant les termes qui méritent explication dans le hadith, dans ce hadith, lorsque la forte chaleur est présente, alors attendez que le temps se rafraîchisse pour prier, car la forte chaleur provient des émanations de l'enfer. Abredo, c'est-à-dire prier lorsque vous rentrerez dans une heure pendant laquelle la chaleur aura diminué, dans lequel le temps se sera rafraîchi. Comme tu dis, Anjada, pour celui qui entre à Najd, qui est une région d'Arabie Saoudite. Ou Athama, pour celui qui entre à Tahama, qui est aussi une autre région de l'Arabie. Thaniyan min fayhi jahannam, intisharu harriha wa ghalayaniha, wa min huna, ومن هنا للجنس لا للتبعيض أي من جنس فيح جهنم قال المزي وهو مثل ما روي عن عائشة بإسناد جيد من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه أي أن من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر deuxièmement provient des émanations de l'enfer, c'est-à-dire de la chaleur qui en échappe. Et min, ici, min fayhi jahannam, signifie que ces émanations proviennent véritablement de l'enfer. Et cela ne veut pas dire que la forte chaleur fait partie de l'enfer. Il y a une différence entre le fait de dire que la forte chaleur fait partie de l'enfer et que la forte chaleur provient des émanations de l'enfer. Ce qui explique la forte chaleur, ce sont les émanations de l'enfer. Véritablement, c'est véritablement des émanations de l'enfer. Est-ce que c'est quelque chose de visible ou d'invisible? Naam? Les effets, la chaleur, elle est visible. Et la cause de cette chaleur qui sont les émanations de l'enfer, elles ne sont pas visibles. Elles font partie des choses qui sont invisibles. Mais on doit y croire avec certitude. Comme le hadith du prophète sallam, An-Nil wal-Furat, يَنْبُعَانِ مِنَ الْجَنَّةِ que le Nil et le Frat puisent leur source du paradis. Est-ce que le Nil et le Frat ont de l'eau? Est-ce que ce sont des fleuves où il y a de l'eau? Oui, on le voit. Mais le fait qu'ils puisent leur source du paradis, c'est une chose qui fait partie de l'invisible mais auquel on doit croire. Et Al-Muzzi, rahimahullah, a dit, c'est comme ce qui a été rapporté d'après Aïcha selon une chaîne de transmission bonne. Lorsqu'elle a dit, celui qui veut entendre le bruit du ruissellement de l'Kawthar, qu'est-ce que l'Kawthar? Un fleuve du paradis qui sera donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna a'tainaka Al-Kawthar, nous t'avons donné le Kawthar, qui est un fleuve du paradis. Celui qui veut entendre le bruit du ruissellement de l'Kawthar, alors qu'il mette ses deux doigts dans ses oreilles. Tout le monde doit le faire là. Vous verrez quand vous serez tranquillement posé chez vous, quand vous fermerez vos oreilles avec vos doigts, vous entendrez comme le bruit d'un fleuve. Et certains savants ont dit c'est comme ce bruit-là, c'est exactement le même. Et d'autres savants ont dit que c'est similaire, comme Al-Imam Al-Qayyim, rahimahullah, et Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et ici, Cheikh Al-Bassam, il a dit que cela, en citant la parole de Al-Muzi, c'est-à-dire celui qui veut entendre comme le bruit du ruissellement de l'Kawthar. Al-Ma'na Al-Ijmali. روح الصلاة ولبها الخشوع وإحضار القلب فيها ولذا ندب للمصلي أن يدخل فيها وقد فرغ من الأعمال الشاغلة عنها وعمل الوسائل المعينة على الاستحضار فيها ولذلك فضل الشارع أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم عن الخشوع مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدون في المساجد تحت وهج الشمس ولهذه المعاني الجليلة شرع تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها وصار هذا الحديث مخصصا للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت. Le sens général du hadith. L'âme de la prière et son cœur, c'est l'humilité, la concentration et la présence du cœur pendant celle-ci. Ainsi, il est recommandé aux musulmans d'entrer dans la prière. Et le professeur Asselin disait à Bilal, Rihna biha ya Bilal, tranquillise-nous avec elle, ô Bilal, en demandant à Bilal de faire Al-Adhan. Et le professeur Asselin disait, Wajou'ilat qurratu ayni fi s-salah, et la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. Ainsi, après avoir délaissé tous les actes qui pourraient le préoccuper de la prière, et en mettant en œuvre tous les moyens qui vont l'aider à avoir une présence du cœur pendant celle-ci, ainsi, et pour ces raisons, la religion a préféré ou a recommandé de retarder la prière de Dhuhr lors de fortes chaleurs, jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse, afin que la chaleur et le mal-être ne préoccupe pas le prieur et ne le détourne pas de la concentration. En ajoutant à cela la facilité qu'il y aura dans cela à ceux qui sortent pour aller accomplir cette prière dans la mosquée sous les fortes chaleurs. Pour tous ces sens, eh bien, il a été légiféré de retarder cette prière, à savoir la prière de Dhuhr, de la retarder par rapport au début de son heure. Ainsi, ce hadith de Abdullah ibn Umar et de Abu Huraira radiallahu anhuma, vient restreindre les autres hadiths qui encouragent le musulman à accomplir les prières quand ? Au début de la prière, au début de l'heure. ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة قال العلماء ليس للإبراد في الشريعة تحديد ويبين الصنعاني أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فهو يرشد إلى قدر الإبراد وهو وأنه ظهور الفي للجدران ونحوها. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, qu'il est préférable de retarder la prière de Dhuhr lorsqu'il y a une forte chaleur, et ceci jusqu'à un moment où le temps se rafraîchira et que la chaleur sera brisée. Et les savants ont dit, il n'y a pas dans la religion de limite concernant ce moment où le temps sera rafraîchi. Et l'imam al-San'ani, rahimahullah, a montré que ce qui se rapproche le plus de cette limite qui existerait dans la religion est ce qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim dans le hadith d'Abu Dhar, radiallahu anhu, qui dit « Nous étions en voyage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le muadzin s'apprêtait à faire l'adhan pour la prière de Dhuhr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Abrid ». c'est-à-dire attend jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. ثم أراد أن يؤذن. Puis après un certain moment, il a voulu encore faire الأذان. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit أبرد. Jusqu'à ce que nous ayons vu l'ombre de At-Touloul. On va expliquer ce que c'est At-Touloul juste après. Ainsi, dans ce hadith, il montre que la limite où l'on reconnaît le moment où le temps se rafraîchit lorsque l'ombre de At-Touloul apparaît. Ici, Cheikh Al-Bassam dit que c'est l'ombre des murs ou des choses similaires. Et dans l'explication de Sunan Abi Daoud, dans le livre Al-Aoun al-Ma'boud, il est dit que At-Touloul, c'est le pluriel de tel, jam'u tel. كل ما اجتمع على الأرض من تراب ورمال أو نحو ذلك. C'est tout ce qui est amassé sur la terre comme terre et sable ou similaire. وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة. Et ces choses, de façon générale, ne s'élèvent pas beaucoup par rapport à la surface de la terre. فَلَا يَظْهَرُ لَهَا ظِلْ إِلَّا إِذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ وَقْتِ الظُّهْرِ. Et on ne voit l'ombre de ce tas en général que lorsqu'une grande partie de l'heure de dhuhr se soit écoulée. Vous avez compris ou pas? Ou il faut expliquer? At-Touloul, c'est le pluriel de tel. Tel, certains savants comme Cheikh Al-Bassam ont dit que c'est le mur, ou similaire. D'autres savants ont dit, c'est ce qui est accumulé à la surface de la terre, comme terre, sable, des tas qui se forment, qui ne sont pas élevés. Ainsi, une chose, plus elle est élevée, et plus son nombre est et grande et visible. Et plus elle est petite, et plus son ombre est difficile à apparaître. Et le soleil, c'est lorsqu'il se décline de son zénith que l'ombre apparaît. Plus la chose est haute, et plus son ombre sera visible tôt. Plus la chose est basse, et plus son ombre sera visible que lorsque le soleil sera descendu d'une certaine distance. Ainsi, pour que l'ombre d'un tas de sable, de terre mélangée apparaissent, il faut que le soleil se soit décliné d'un certain angle. Autrement dit, il faut que une grande partie de l'heure de dhuhr se soit écoulée. ثانياً إن الحكمة في ذلك هو طلب راحة المصلي ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق. عن القلق. Deuxièmement, la sagesse dans cela est la tranquillité du prieur, afin que son cœur soit présent et qu'il soit éloigné de tout ce qui pourrait le crisper. Lorsqu'il fait très chaud et que tu sues de partout, tu es crispé ou pas? Tu te sens mal à l'aise. Il faut dire les choses comme elles sont. Et le fait de retarder l'heure de dhuhr jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse permet aux prieurs d'être dans une situation qui soit adéquate et qui lui permette d'être concentré, de ne pas être dérangé par des sentiments désagréables. ثالثاً إن الحكم يدور مع علته فمتى وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير وأما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها. Troisièmement, le jugement tourne autour de la cause. Ça, c'est une règle en jurisprudence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que la cause est là, le jugement est appliqué. Ici, dans notre cas, tant qu'il fait chaud, eh bien, tu as le droit de retarder la prière de dos du début de son heure. Ainsi, le cheikh dit, lorsque la chaleur est présente dans un pays, alors est présent également le fait qu'il est préférable de retarder, c'est-à-dire la prière de dos. Quant au pays froid, eh bien, parce qu'il n'y a pas de chaleur, alors il n'est pas préférable de retarder la prière. Rabi'an, ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر. Quatrièmement, ce qui apparaît du hadith et ce que l'on comprend de la sagesse du retardement de cette prière, du début de son heure, est que ce jugement est général. Il concerne à la fois celui qui accomplit la prière en groupe à la mosquée, mais également celui qui l'accomplit seul chez lui, car ils sont tous les deux concernés par cet état d'énervement, de crispation lorsqu'il y a une forte chaleur. Lorsqu'il y a une forte chaleur, ce ne sont pas que les personnes qui prient à la mosquée qui sont concernées, mais également ceux qui sont dans leur maison. Khamisan, إنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملهن فيها. Cinquièmement, il est légiféré au prieur d'accomplir sa prière en étant loin de tout ce qui pourrait le préoccuper ou le distraire. فائدة. قال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي عند كلام له على هذا الحديث ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة فَمَنْ كَذَبَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ أَخْطَأ. Et ici une remarque que Cheikh al-Bassam, rahimahullah, rapporte de son Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, lorsqu'il a expliqué ce hadith en disant qu'il n'y a pas de contradiction entre les causes apparentes qui expliquent le chaud et le froid ainsi que les causes en rapport avec l'invisible. Et que le musulman doit attester, et que l'être humain doit attester ses causes, et doit croire en ses causes, à la fois celles qui sont en rapport avec l'invisible, qui ont été citées dans les textes, et celles qui sont connues et perceptibles. Et celui qui renie une de ces deux causes a commis une erreur. Autrement dit, les fortes chaleurs. On a vu dans ce hadith qu'elles proviennent des émanations de l'enfer. Est-ce que c'est la seule cause? Est-ce qu'il y a des causes perceptibles qui expliquent la forte chaleur? Oui. Lorsque tu te trouves dans un désert, en plein milieu du soleil, etc., tu sens la chaleur du soleil, tu la sens la chaleur du soleil, tu la sens te brûler la peau. Donc, le fait que le soleil soit à cette distance et à ce moment de la journée explique cette forte chaleur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi dit que la forte chaleur provient des émanations du diable. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ou est-ce que c'est les deux? La réponse est, ce sont les deux. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que tu constates comme cause directe de la forte chaleur, à savoir le soleil, et le fait que cela provienne des émanations de l'enfer? Il n'y a pas de contradiction. Tu dois croire en ce que ta religion t'a appris, Et tu dois croire aussi aux choses, aux causes perceptibles de la chaleur, mais aussi du froid. Et tu ne dois pas renier l'un ni renier l'autre. Et comme le dit Cheikh Saadi, le fait de renier l'un d'entre eux est une erreur. الحديث العاشر بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه رواه البخاري ومسلم. Selon أنس بن مالك رضي الله عنه, donc le 110e hadith. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit: nous prions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un moment de forte chaleur. Et si l'un d'entre nous n'avait pas la possibilité de poser son front à terre, alors il étendait son vêtement et se prosternait dessus. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens général du hadith. كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر وحرارة الأرض ما تزال باقية مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم في الأرض بسطوا ثيابهم فسجدوا عليها لتقيهم حر الأرض. Le sens général du hadith. Il était pour habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier avec ses compagnons la prière de Dhuhr pendant les jours de chaleur, et alors que la chaleur du sol était toujours présente, ce qui amenait les prieurs, lorsqu'ils ne pouvaient pas poser leur front à terre, d'étendre leurs vêtements et de se prosterner dessus afin que ces vêtements les protègent de la chaleur du sol. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا إن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر في أيام الحر وهو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء آثارها في الأرض. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, que l'heure pendant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses compagnons la prière de Dhuhr pendant les jours de chaleur était après que la chaleur soit brisée, mais la trace de la chaleur ou les effets de la chaleur étaient toujours présents sur le sol. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'il a demandé de retarder la prière et de la faire au moment où le temps se rafraîchit. Quand on dit le temps se rafraîchit, est-ce que ça veut dire qu'il est frais? Ça veut dire qu'il est moins chaud qu'au début. Le fait de prier au moment où le temps commence à se rafraîchir, est-ce que ça veut dire que le sol n'est pas chaud? Non. Car le sol se rafraîchit beaucoup plus difficilement que le temps. D'accord? Ainsi, la chaleur peut baisser, mais parce qu'il a fait chaud pendant plusieurs heures, eh bien, le sol, et notamment le sable, ne rafraîchit pas aussi vite. Ainsi, il est possible de prier au moment où le temps s'est rafraîchi, mais le sol reste toujours très chaud. ثانيا جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه من حر وبرد وشوك ونحو ذلك وبعض العلماء فصل في السجود على الحائل إن كان منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة بلا كراهة وإن كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره إلا مع الحاجة. Deuxièmement, qu'il est autorisé de se prosterner sur un obstacle, comme un vêtement ou autre, lorsqu'il y a un besoin à cela, comme la chaleur, le froid, les épines ou autres. Et certains savants ont détaillé sur le fait de se prosterner sur un obstacle, ou sur quelque chose qui vient entre toi et le sol. Ils disent, si cette chose est indépendante du prière, comme un tapis ou autre, alors il est autorisé de se prosterner dessus sans besoin. Et cela n'est pas détestable. Mais si cette chose est dépendante et fait partie du prière, comme un morceau de ses vêtements ou un bout de ses vêtements, alors cela est détestable, sauf s'il y a un besoin. Sauf s'il y a un besoin. Comme par exemple, quelqu'un qui veut se prosterner, qui porte un manteau ouvert, d'accord ? Il veut se prosterner et se prosterne sur un morceau de son manteau qu'il porte en lui. Les savants disent cela est déconseillé, sauf s'il y a un besoin. Tu pries, tu n'as pas la possibilité d'enlever ton manteau et par exemple tu trouves une épine pile poil dans l'endroit où tu veux poser ton front ou autre. Eh bien, tu as le droit de te prosterner sur une partie du manteau que tu portes. D'accord ? Ceci quand il y a un besoin. Mais si tu enlèves ton manteau et qu'il ne fait plus partie de toi, entre guillemets, et qu'il est totalement détaché de toi, alors dans ce cas, il n'y a aucun mal. Même s'il n'y a pas de besoin. التوفيق بين الحديثين ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما. Le rassemblement entre les deux hadiths, entre le hadith de Anas et le hadith de Abdullah ibn Umar et de Abu Huraira radiallahu anhuma. Ce qui apparaît de ces deux hadiths précédemment cités est la contradiction. Ainsi, les savants ont essayé de rassembler entre les deux. Wa ahsanu ma qila fi dhalik ma dhahaba ilayhi al-jumhur أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما في حديث أنس أنهم كانوا يبردون في الصلاة. ولكن حرارة الأرض باقية لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل وليس المراد بالإبراد المطلوب أن تبرد الأرض بل المراد أن تنكسر حدة حرارة الشمس وتبرد الأجسام. Et ce qui a été dit de mieux pour rassembler ces deux hadiths et ce qu'ont cité al-jumhur, la majorité des savants, qui est que le mieux lors de fortes chaleurs et d'attendre que le temps se rafraîchisse, comme cela est rapporté dans le hadith de Anas, qu'ils attendaient que le temps se rafraîchisse pour prier. Mais la chaleur du sol était toujours présente, car le rafraîchissement du sol vient après le rafraîchissement du temps. في شدة كثيرا ما يحتاجون إلى السجود لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على الحائل. Et donc le sol met du temps à se refroidir, c'est pour cela qu'ils avaient besoin de se prosterner sur quelque chose. Et il n'est pas voulu par les brades, par le fait que le temps se rafraîchisse, que la terre également se rafraîchisse. Mais ce qui est voulu par cela est que soit cassée la chaleur du soleil et que soient rafraîchis les corps des prieurs. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, les cours commenceront juste après la prière de Dhuhr, bi'idhnillah.